Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp, ayant pour titre « Les lois de l'évolution cosmique ». Est-ce que vous entendez bien en arrière? Avant de commencer cette conférence-là, c'est un titre qui me fait peur un peu. Je voudrais faire... Ça donne bien, moi, ça me tentait pas d'en parler. Bon, on va parler d'autre chose. Les lois de l'évolution cosmique, il y a quelques années, on avait eu des grandes discussions là-dessus. Et puis, je dirais que c'est probablement la période la plus difficile de ma vie, quand j'ai réalisé l'évolution, que ce n'était pas une évolution humaine, planétaire et à court terme. Lorsqu'on commence à comprendre, si on comprend mal les lois de l'évolution cosmique, ça fait énormément peur à l'ego. Parce que ça fait peur au mien. Je ne sais pas si ça fait peur à tous ceux qui en ont un. Mais de réaliser qu'on n'est pas là pour 40 ans, 50 ans, puis que finalement, qu'est-ce qui arrive après? Et puis, à un moment donné, de réaliser qu'après, ben, ça n'a aucune saveur pour l'ego, qu'on n'est pas capable de visualiser qu'est-ce qui va arriver au terme de notre évolution. À ce moment-là, on se demande qu'est-ce qu'on est venu faire là, pourquoi on est sa planète, pourquoi on est un être vivant, puis ça nous mène où, l'évolution cosmique. Fait que je pense qu'il faut faire en sorte de bien comprendre le sujet, ou sinon de l'ignorer totalement. Effectivement, c'est un sujet qui, lorsqu'on en comprend des bribes, puis on peut difficilement faire autrement qu'en comprendre des morceaux pour commencer, c'est un sujet qui peut faire peur assez à l'ego. Les personnes, souvent, les égos, donc, ce qui constitue la mémoire de l'humain, parce que l'être humain n'est pas de la mémoire, l'être humain n'est pas de l'ego, l'être humain n'est même pas de l'âme. Tout ça, c'est de la mémoire d'humain. Et ce qui est constitué de mémoire, nécessairement, se base sur des formes, c'est-à-dire sur la mémoire. Alors, si on dit un Dieu, un Père créateur nous a engendrés, on est capable de faire un parallèle avec notre Père. On peut parler, par exemple, de la mère, la terre. Alors, on peut faire un parallèle avec la mère. Et ça permet à l'ego de se sentir sécurisé. Tout va bien, la vie est belle, c'est correct, ça marche. Quand subitement, on va aller dire, ben le Père créateur a peut-être été créé en même temps que toi. Pour l'ego, là, ça dit, là, c'est l'œuf et la poule. Qui a commencé? Et quand, en philosophie, on parle de l'œuf et la poule, souvent, on arrête, parce que c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf? Vu qu'il faut des œufs pour faire des poules et qu'il faut des poules pour faire des œufs, qui est arrivé en premier? Grosse question de philosophie qui fait en sorte que bien souvent, les gens vont trouver que c'est vrai, c'est une bonne question. Bon, on va-tu manger nos cornflakes? Sauf que si on veut parler des lois d'évolution cosmique, à un moment donné, il faudra qu'on en arrive à l'œuf et la poule, et probablement qu'on aille voir l'autre côté. Et quand on va voir de l'autre côté, on va voir là où l'homme, la femme et l'enfant n'ont à peu près jamais été voir. Ils sont venus de là, sauf que dans cette fusion, dans cette descente, ils n'avaient pas de mémoire parce que ce n'était pas nécessaire. Lorsqu'ils arrivent dans un cadre où ils commencent à mémoriser, ils commencent à mémoriser parce qu'ils perdent le savoir. Alors, pour compenser la perte du savoir instantané, ils vont transférer, ils vont créer une forme dans laquelle, une espèce de livre dans laquelle ils vont écrire tout ce qu'ils savent, le temps qu'ils le savent. Et là, progressivement, ils vont oublier, donc ils vont écrire, c'est de plus en plus gelé. Et ça va devenir les annales akashiques, ça va devenir les archétypes, ça va devenir les vieilles formes avec lesquelles on va jouer, nous, au fur et à mesure de notre ascension mémorielle, donc depuis qu'on retourne vers la conscience, mais basé sur la mémoire, on va essayer d'adapter ces écritures-là, c'est-à-dire les vibrations, les perceptions qu'on connaît, à des parallèles planétaires pour parvenir à les expliquer. Mais il va venir un temps où nécessairement on va arriver à la fin de nos mémoires. Et en arrivant à la fin de nos mémoires, on va maintenant devoir repénétrer dans de la conscience qui, elle, fait référence à un savoir instantané, ce qu'on appelle de l'énergie supramentale en québécois. Mais quand on va pénétrer dans la mémoire, hors de la mémoire, nécessairement, la mémoire va commencer à être altérée. Et c'est ça qui fait partie, d'une conférence sur les lois de l'évolution cosmique, c'est-à-dire qu'on va sortir des lois de l'évolution humaine. L'homme, la femme, a été créé, par exemple, par un dieu. La grosse question, c'est pourquoi il les a créés? Ah, parce qu'il était bon et pur et il les aimait. On n'aime pas quelque chose qui n'est pas encore créé. Ah ben, une raison humaine, ça serait que Dieu s'ennuyait tout seul à créer l'homme. Ah non, Dieu s'ennuyait pas. Alors Dieu s'ennuyait pas. Pourquoi il a créé l'homme? Parce qu'il avait besoin de l'humain. Donc, l'humain a été créé dans le but d'accomplir quelque chose. Ah ben oui, l'humain a été créé dans le but de devenir parfait. Mais non, ils ont dit que Dieu nous a créés parfaits. Sinon, ben, il y avait qu'à se forcer un petit peu plus, puis nous créer parfait. C'était ridicule de créer, tu ne crées pas un truc tout croche, son but c'est d'arriver à être parfait. Parce qu'il y a un problème. Quand on va être parfait, il va faire quoi avec nous, Dieu? Est-ce qu'il va faire ce qu'il semble faire? Nous ramener imparfaits pour pouvoir faire en sorte qu'on devienne parfait. Puis quand t'es parfait, il nous ramène imparfaits. On lâche pas. Les Tibétains appellent ça la roue de la vie. Quand on parle des lois d'évolution cosmique, nécessairement, à un moment donné, on va aller voir l'autre côté. L'autre côté des philosophies humaines, l'autre côté des théologies. On a des théologies qui sont vastes. Il y a des théologies qui disent que l'être humain existe depuis des milliards d'années. Et c'est un cycle. On est totalement impur et on se purifie, purifie, purifie jusqu'à un éclatement où on redevient impur et puis on recommence. Vive la vie, vive la mort. Bouddha en a parlé longtemps. Il y a d'autres théologies qui nous limitent à quelques milliers d'années, comme la chrétienté. Dieu nous a créés il n'y a pas tellement longtemps. En Lémurie. Bon, on ne parlait pas de Lémurie, on parlait du paradis. Et on a, à un moment donné, quand on évolue, on a nécessairement des questions qui vont venir faire éclater ces sphères d'ignorance qui ont été placées autour de la conscience de l'homme et dans la conscience de l'homme pour permettre à l'homme de se supporter le temps qu'il n'avait pas la capacité de savoir. Comment elle se fait, son évolution à l'homme? Est-ce qu'il y a une évolution physique, ensuite une évolution astrale, une évolution mentale, une évolution... Définir d'une ça? D'une certaine façon, on peut dire oui, sauf que, bon, premièrement, du point de vue uniquement planétaire, la seule partie planétaire qui évolue, qui est intéressante pour des structures d'évolution, c'est le corps physique. C'est la seule structure. Le corps physique a la capacité de mémoriser cellulairement, donc de cellulariser l'évolution, donc il le codifie au niveau de la génétique et c'est transmissible sexuellement, donc les enfants peuvent en bénéficier. C'est ce qui va faire en sorte qu'à la longue, à travers le temps, les corps physiques des humains sont raffinés. Alors dans le passé, on a eu des techniques de raffinement. On a eu le yoga, on a eu le tai chi, on a eu certaines formes d'acupuncture évolutive où on piquait des points particuliers, des points sacrés, des points mystérieux, qui aujourd'hui en acupuncture sont connus, mais on sait que si on les pique, on peut tuer l'humain, donc on ne les pique pas. Mais est-ce que c'est maintenant un interdit ou est-ce qu'il y a eu un temps où on s'en servait? On a eu l'évolution du corps physique par le tantrisme, par la sexualité, par les énergies vitales, les énergies de reproduction. On a eu les arts martiaux qui ont raffiné l'humain. Et on a eu évidemment toutes les formes d'écoles de pensée. Et quand on parle d'une école de pensée, on dit on fait évoluer la psychologie, on ne fait pas évoluer le corps physique. La philosophie développe le cerveau. La philosophie développe la parole ajuste la pensée va aussi ajuster les sphères cérébrales. Ce qui va faire en sorte qu'à la longue, on va avoir des enfants de plus en plus sensibles, de plus en plus raffinés. On n'a pas les corps physiques de nos ancêtres. Quand je parle d'ancêtres, je parle de là, quelques milliers d'années. Puis évidemment, si on va voir l'Australopithèque ou l'homme de Pithécanthrope, c'est évident qu'on n'a pas le même corps physique que lui. On est mieux. La majorité, en tout cas. Bon, on est mieux. Et, comme je dis souvent, on est passé de l'homme des cavernes à l'homme des tavernes. Bon, et puis après ça, ben, on passe de l'Australopithèque à l'Astralopithèque, celui qui est totalement dominé par l'Astral. Mais on en arrive à un point où on peut constater que planétairement parlant, qu'est-ce qui se transmet? Qu'est-ce qui se réincarne réellement? Qu'est-ce qui a la possibilité, tant mieux, de vivre une évolution, non pas sur 50 ou 60 ans, ou à l'époque sur 20 ou 30 ans, mais sur des milliers d'années, sinon sur des millions d'années? Qu'est-ce qui finalement est immortel? La vie physique. Le père et la mère meurent, mais leurs cellules continuent dans l'enfant et c'est bel et bien leur vie, c'est leur corps physique qui continue là. La vie qui anime mon corps physique est la vie qui a animé des ancêtres qui datent de plusieurs millions d'années. La vie ne s'est jamais éteinte. La cellule initiale n'est jamais morte. A toujours été exact. Là. Et comme on sait aussi, si on prend une cellule sur le corps d'un humain et qu'on la place dans un milieu adéquat, la cellule va vivre 50 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Bon, on a fait l'expérience avec des cellules de cœur de poulet. Et après une cinquantaine d'années, il y a un incendie qui a brûlé le laboratoire. Mais un poulet ne vit pas 50 ans. Mais leurs cellules, eux, vivent 50 ans. À l'instant où on les place dans un cadre complexe, on commence à voir des choses. On commence à voir, premièrement, qu'il y a une reproduction. Première mécanique amenée par les dieux, croissez et multipliez-vous. Créez des corps et mélangez-vous par la suite. Et toute l'évolution planétaire humaine va faire en sorte qu'il y aura des guerres, des tremblements de terre, des cataclysmes qui vont faire en sorte que les gènes vont se mélanger. Et les gènes se mélangeant ont renforcé la race. Et renforçant la race, l'humain qui vient au monde là-dedans est différent. Il est mieux, il est amélioré. Sauf qu'au niveau de l'âme, l'âme qui est la seule structure près de la planète Terre qui n'évolue absolument pas, au niveau de l'âme, on a les mêmes peurs que nos ancêtres, les mêmes dégoûts que nos ancêtres, les mêmes désirs que nos ancêtres, les mêmes hontes, les mêmes gênes, les mêmes culpabilités, les mêmes stress, les mêmes vouloirs évolutifs. Ça n'a pas évolué, l'âme. L'âme, ça cumule de la mémoire. L'âme, ça nous donne de l'expérience. Mais l'expérience, souvent, ça crée des sages. Ça crée des individus qui sont capables de s'en sortir dans des situations connues. Alors, on va, par exemple, en Australie, on rencontre des sages des Fils de l'Intérieur, les Pijanjara, on rencontre des sages, et ils sont vraiment sages. Arrivés là en hélicoptère, puis ils paniquent s'ils ne font pas une crise de cœur. Leur sagesse n'est pas adaptée à la vision d'un hélicoptère, ils ne connaissent pas ça. La sagesse humaine est limitée au connu. Aux mémoires. Oui. Absolument. Et elle est totalement inadéquate face à l'inconnu. L'humain spontané, l'humain instantané, l'humain relié, centré dans son intelligence, lui est efficace avec le neuf. Par contre, il peut être un peu plus inefficace avec le connu. C'est pas grave, notre évolution va vers le neuf. Vous savez, on dit que le système terrestre existe depuis 4,6 milliards d'années. Et au rythme où vont les choses, on en a encore pour probablement 45 milliards d'années. Alors, il y a beaucoup plus d'inconnus que de connus. Oui. On est mieux d'être prêt à vivre l'inconnu que de... Bon, en plus, vous avez peut-être remarqué, vous allez vers le neuf, jamais vers le passé. Le passé, on ne peut pas le changer, rien à faire avec lui. On peut le modifier astralement, on peut inventer un nouveau passé. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez pas changer des structures qui sont déjà faites. Par contre, on va vers l'avenir, on n'a pas le choix, on va vers le neuf. L'humain, dans son évolution... Mais on regarde le passé. On ne fait que ça, comme j'expliquais un peu la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est que on va vers l'avenir, mais on se nourrit du passé. Ben, c'est que l'humain avance à reculons, donc l'humain, il est sur un chemin où il voit tous les endroits où il a été. Et il a toujours peur dans son avancement parce qu'il ne peut pas se retourner. Et il va reculons. En arrière de lui, là où il va, c'est le neuf, c'est de l'inconnu. Et l'humain vit donc uniquement dans la mémoire, c'est-à-dire qu'il voit les choses. Et à un moment donné, quand l'humain commence à avoir des perceptions du neuf, c'est l'ombre d'un édifice, par exemple, ou l'ombre d'un arbre. Il voit l'ombre à terre, c'est en deux dimensions. Il ne connaît pas la couleur, il ne connaît pas réellement la forme, il ne sait pas s'il y a des fenêtres, il ne sait pas s'il y a des gens qui le regardent. Il ne sait rien. Alors l'humain, il se dit, bon, ben là, on approche de quelque chose. Il appelle ça de l'intuition. Mais l'intuition n'est jamais claire. Il y en a évidemment qui ne voient même pas l'ombre. Bon, ils se mélangent avec. Et lentement, à un moment donné, l'édifice arrive. Là, tu commences à expérimenter l'édifice, tu commences à connaître l'édifice. On connaît encore le passé. Mais où on va, on ne sait toujours pas. Quand je donnais des cours d'équitation, c'est ce que je disais aux gens. Voici un cheval. Ça, c'est la tête, ça, c'est la queue. Ça, c'est par où on va, c'est par où on vient. Si vous ne savez pas comment monter, si vous montez à l'envers, ben vous ne verrez pas où vous allez. Vous allez voir en maudit d'où vous venez. Bon. Et la personne, dans l'évolution, ça ressemble à ça un peu. On sait d'où on vient, où on va. Alors, les traditions vont venir nous expliquer qu'on va là d'où on vient. Pour l'ego, c'est rassurant. Loi d'évolution cosmique, on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait ça. Premièrement, dans l'évolution cosmique, on doit nécessairement admettre certaines choses. C'est évident que si on a, par exemple, une femme de 60 ans qui, à un moment donné, accouche d'un bébé, on découvre que le bébé est un bébé flambant neuf. Ses cellules sont neuves, ce sont des cellules de bébé, ça n'a rien à voir avec la femme. Alors on peut dire, maudit que ça va mal. Pourquoi sommes-nous capables d'engendrer une vie neuve alors qu'on n'est pas capable de la maintenir chez nous? Sauf si, effectivement, il y a une évolution physique qui se fait, et il y a, et je sais qu'il y a, dans les corps physiques des humains actuellement, ça a toujours été comme ça, ça va changer à un moment donné. Il y a un rejet total du neuf. L'ego rejette le neuf. Quand moi, j'amène des choses neuves devant certains auditoires, on rejette tout ce que je dis, et moi y compris. Le corps fait la même chose. On a une division cellulaire et on se dit, ben oui, les vieilles cellules s'en vont, puis les neuves les remplacent. Ça, c'est de la philosophie. Dans la réalité des choses, c'est les jeunes cellules qui sont rejetées par le corps physique. Et c'est pourquoi, à un moment donné, on finit par vieillir. Et si le corps physique acceptait ces jeunes cellules-là, il vieillirait pas? On serait immortel physiquement. Au lieu de donner ça à nos enfants, qui eux le donnent à leurs enfants et qui eux le donnent à leurs enfants, c'est mes cellules qui s'en vont se promener. Pendant ce temps-là, le corps physique, lui, il commence à vieillir uniquement parce que mon corps rejette la nouveauté, il rejette le neuf. On sait, bon, et ça sert à rien de dire, ben voyons donc, on deviendrait immortel. On l'est déjà. Il y a certaines de nos cellules qui sont immortelles. Parce que ça communique la vie sans arrêt. Et c'est les mêmes cellules, c'est le même code génétique légèrement amélioré parce qu'on a cellularisé notre évolution. L'être humain doit nécessairement sortir d'une vision où il va se dire « J'ai par exemple une vie pour m'en sortir. » Bon, j'ai une vie pour m'en sortir. Si je m'en sors, je vais me retrouver au ciel, par exemple à la droite du Père. Et comme je le dis souvent, le Père est supposément partout, alors à la droite de tout partout, ça va être compliqué à trouver. Mais je dois me retrouver là, puis après. Après, je joue de la harpe, puis quand je vais aux toilettes, je tire la chaîne, puis il pleut. Hein, je suis sur les nuages, puis bon. Qu'est-ce que l'humain fait lorsque l'humain, selon les théologies traditionnelles, lorsque l'humain a gagné le gros lot? Que fait-il? Et ce qui est intéressant de constater, c'est que toutes les structures d'évolution sont arrangées pour bien vous interdire de prétendre que vous l'avez le gros lot. Alors, allez voir, dans n'importe quelle religion, il y a un moment donné, dites, j'ai rencontré Bouddha. Non, là, vous ne l'avez pas. Bon, j'ai rencontré Dieu. Vous ne l'avez vraiment pas. Dans les religions, on l'interdit. La religion est là pour supporter l'humain tant que l'humain n'a pas accès au savoir, mais la religion n'est vraiment pas là pour que l'humain s'en sorte. Et il n'y a aucune religion qui autorise l'homme à se dégager d'elle. La religion rend toujours l'homme esclave. C'est utile. Elle est là pour amener l'espérance, et c'est une sorte d'escalier pour s'amener jusqu'à un certain palier. C'est impeccable. Et ça va se modifier en fonction de l'évolution d'humain. Comme je le dis souvent, les dieux à l'origine ont été créés à l'image et à la ressemblance de l'homme par l'homme. Et quand les dieux de colère et de vengeance sont disparus, c'est parce que l'humain a commencé à parler de paix. Alors, sont apparus, les mêmes dieux étaient des dieux qu'on avait mal connus, mal vus. C'était pas des dieux de colère, c'était des dieux de pardon. Alors, l'auditoire, il disait pardon, justement, et puis l'autre, il répétait. Mais quand l'humain évoluait, les dieux évoluaient. On a eu des dieux de jalousie, des dieux qui se faisaient la guerre, des dieux qui se détestaient. On a eu Zeus, on a eu tout ça, comme les rois de l'époque. Et ça a toujours été comme ça. On a eu, à un moment donné, des peuples élus, des peuples divins. On a eu des cités divines. Eh oui, comme les rois. Il y avait leur cité, leur secte, leur cossin. Les dieux étaient d'accord avec ça. Et progressivement, on va vers peut-être un dieu extraterrestre. On va vers un dieu qui, peut-être, a créé autre chose que l'homme. Il a peut-être aussi créé d'autres planètes. Avec les myriades de soleils, il y a peut-être d'autres planètes autour de ces soleils-là. Et peut-être d'autres planètes avec de la vie. Alors peut-être que le dieu que l'on connaît, qui a créé le ciel et la terre, à un moment donné, en quelques jours, et le Dieu dans le ciel, ce qui est intéressant. Okay? Le Dieu que l'humain adore est dans le ciel. Et le ciel a été créé en même temps que la terre. Cosmiquement, c'est un point intéressant. Les théologies ne disent jamais la vérité, mais elles ne peuvent pas mentir. Alors, elles n'en disent pas trop. Quand on dit, par exemple, quand vous mourrez, vous allez dans le monde de la mort, et vous allez dans le ciel, et vous allez retrouver les personnes que vous avez connues et aimées pour l'éternité. C'est vrai. Vous allez être dissoutes dans le monde de la mort, puis toutes les parties qui nous constituent se fusionnent avec tout ce qui est similaire. Ah, effectivement, mais quand on se réincarne, on ne se rappelle pas qui on a été. Ben non, c'est sûr, tu n'as jamais été ce que tu es là. C'est une évolution. Les religions ne mentent pas, elles ne disent pas la vérité. Elles ne disent pas toute la vérité. L'être humain, quand on parle d'évolution cosmique, ça veut nécessairement dire qu'à un moment donné, on devra accepter l'idée. On tombe dans un grand couloir, et comme je le dis souvent, l'évolution vers la conscientisation, elle apparaît lorsque on tombe dans un trou qui n'a pas de fond. L'ego, lui, il a toujours eu comme philosophie évolutive, c'est qu'il tombait dans un trou pas de fond, mais là, c'est parce qu'il était sur le mauvais chemin. En réalité, il fallait qu'il tombe sur le mur. Alors, il recherche quelque chose, un support. Quelque chose de solide. Quelque chose après quoi s'agripper, et quelque chose qui va lui faire dire, bon, voilà, je l'ai. Je parlais à un moment donné avec un prêtre, et je lui posais la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Avoir la foi, comme tu l'as là, ou vérifier si ta foi est réelle? Ah, non, ben, c'est avoir la foi. On peut pas. Il faut avoir la foi. Oui, mais si ta foi, elle t'amène à un trou, ou elle t'amène à un endroit qui est faux, ce serait peut-être intéressant de vérifier. Mais non, quand tu as la foi, tu as la foi. C'était préférable pour lui de continuer à être sécurisé par sa foi que de risquer de découvrir que peut-être c'était pas ça. Et ça, c'est le problème des systèmes mémoriels. L'humain va préférer continuer à vivre dans l'idée, dans la certitude sûre que c'est ça, plutôt que de risquer d'aller voir. Et moi, ce que je dis souvent aux personnes, c'est de douter. Mais je leur dis aussi de douter du doute. L'individu doit douter de sa foi. Mais douter ne veut pas dire renier. Ça veut dire ne pas accréditer comme ça. L'homme, la femme, l'enfant ne savent pas. Tant qu'ils sont assujettis de la mémoire, ils ne savent pas. La mémoire, c'est un film. On vous a donné le film d'un événement. Et on vous dit, croyez ça. Ah oui, mais qui a fait le film? C'est pas dans le film. Donc ça sort de là. Non, tout est inclus là-dedans. Qui a créé Dieu? Ah, il était là. Alors pourquoi l'homme n'était pas là lui non plus? Ben voyons là, l'homme n'a pas pu faire ça. Pourquoi Dieu l'a fait? À un moment donné, ça ne va plus. Si Dieu n'a pas été créé, c'est que ça se peut. Donc l'homme a pu ne pas être créé, puis l'homme a pu s'imaginer qu'il l'avait été pour se sécuriser. Parce que l'homme a été créé par des mécanismes drôlement similaires à ce qu'il connaît sa planète. Le ciel, c'est quoi? C'est un endroit où on a la paix, où on n'est jamais malade, où un endroit, bref, qui ne ressemble pas à la Terre, mais qui ressemble à tout ce qui est du bon côté de la Terre. Si je vais au ciel, je vais te savoir une chaise pour m'asseoir. Ah, t'as pas besoin de t'asseoir. Je veux savoir ainsi de bas pour me désennuyer. Ah, mais ça n'ennuiera jamais. Est-ce que je vais pouvoir manger? Ah, t'auras jamais faim. Vas-tu dormir? Ben non, tu seras jamais fatigué. On va-tu jouer? Ben t'auras pas besoin de jouer si t'ennuieras pas. Vas-tu parler avec le monde? Ben non, t'auras pas besoin de rien parler. Tout va être réglé. Vas-tu voir Dieu de temps en temps? C'est pas nécessaire. Tu vas travailler de la musique. Ben, faut quoi faire? Alors là, tu peux dire, ben oui, si tu veux de la musique, tu vas t'en créer. Les sphères célestes. Si tu veux manger, tu pourras manger, mais tu n'auras pas faim, mais tu pourras. Autrement dit, on va être comme des personnes qui ont gagné à la loterie. Qui ont tellement tout, que là, ils commencent à se trouver des problèmes. Je vais quand même manger. Pourquoi je mange? Parce que j'ai un manque. Hein? Pourquoi au ciel, on jouerait ensemble? Parce qu'il y a un manque. Mais non, c'est parce que tu es heureux. Mais non, non, non. S'il y a une action, c'est qu'il y a une cause. Il y a quelque chose qui nous stimule. Il y a un besoin. L'humain évolue pas parce qu'il aime Dieu. L'humain évolue parce qu'il fuit l'enfer. Éliminer l'enfer, on n'a plus besoin de Dieu. Il n'y a plus de problème. En réalité, on peut éliminer l'enfer sur Terre aussi. On peut éliminer les causes qui font qu'on cherche à se désennuyer et tous les problèmes. Puis le ciel, on est dedans. On peut être aussi bien dans le ciel que dans l'enfer actuellement. Je travaillais avec des individus, moi, qui se droguaient. Et puis, à un moment donné, ils s'en allaient, ils faisaient un voyage particulier. Puis moi, je leur disais, si vous partez en vous droguant, etc., si vous ne vous désintoxiquez pas avant, vous allez gâcher votre voyage. Ah, ben non, une fois qu'on va être parti, là, ça va tout changer. C'est ça qu'on a besoin. Ben, ils sont partis, puis ils sont drogués encore plus. Et puis, à un moment donné, je les ai rencontrés au Mexique, je les ai rencontrés au Guatemala. Puis ce qu'ils me disaient, c'est, ah non, dans des pays comme ça, un humain ne peut pas vivre s'il n'y a pas de drogue. Bon, ben, si vous partiez de mieux, il vous fallait de la drogue. Là, maintenant, vous dites que c'est pire, il faut de la drogue. L'humain qui n'est pas constitué, une fois rendu au ciel, il y a les mêmes problèmes. C'est pas, ça sert à rien, tu sais, on va plus tard, non, non, non, même chose. Tu vas avoir des problèmes d'approvisionnement de la drogue au ciel, c'est supposé être... Je ne sens pas qu'il y en a de la drogue, c'est supposé être en enfer, ça. Marc, tu as déjà dit que la religion était l'opium du peuple. Fais-toi sens pas. Dans le ciel, il y en a en masse de mécaniques qui vont t'assujettir pour longtemps. C'est quoi la différence entre le ciel et les cieux? Parce qu'on entend ou on peut lire dans la Bible que Jésus-Christ fait référence à son Père dans le ciel, au Père dans les cieux. Les théologiens ont décidé à un moment donné que les cieux c'était simplement une façon, ils ont un peu raison, c'est qu'à un moment donné ça a été repris. À l'époque, on pensait qu'il y avait des sphères autour de la planète Terre, donc à l'une des sphères il y avait la Lune des sphères il y avait Mars, à l'une des sphères il y avait Vénus, etc. Et ça, donc, il n'y avait pas un ciel, il y avait des cieux. Bon. Par contre, le Nazaréen lui parlait de son Père dans le ciel. Il a ouvert le ciel. À un moment donné, l'homme, bon, on dit qu'il ne pouvait pas aller au ciel. Lui a ouvert les portes du ciel. Depuis son passage, l'homme va au ciel. En réalité, c'est que l'homme allait toujours au ciel. Depuis qu'il a ouvert les portes du ciel, on peut maintenant aller ailleurs. Que dans le ciel, on peut gagner les cieux. Et lui, dans son langage, les cieux, ça fait référence à ce qui est au-delà du monde de la mort. Donc, à ce qui est au-delà du ciel. En ésotérisme, on parlera du plan intentionnel, ce que certains appelleront le plan divin. C'est un des paliers des cieux. On parlera du plan de la gratuité, que certains appelleront le plan bouddhique, deuxième palier des cieux. Ce sera aussi le plan de l'amour, le plan de la gratuité. Et on parlera du plan de l'intelligence supramentale, que certains appelleront aussi l'Esprit Saint, c'est la même chose. C'est les trois volets des cieux. Après, on pénètre dans le ciel, où là, on aura le plan mental et le plan astral, la psychologie, le plan de l'âme. Et par la suite, on aura un plan terrestre qui n'est pas un ciel, qui est un plan terrestre, qui sera lui constitué de l'énergie vitale qui nous anime vitalement, qui est la vie, et du plan de la matière. Donc, si on revient à notre évolution cosmique, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, l'humain devra observer le ciel. Lorsque je meurs, je vais au ciel. Mais la galaxie là-bas, est-ce qu'elle est dans le ciel? Ou si elle est à quelques années-lumière de mon ciel. Nécessairement, à un moment donné, on va poser la question ailleurs. Mon univers, Dieu a créé le ciel et la terre. Est-ce que Dieu a créé l'univers? Mais là, de plus en plus, on sait, enfin moi je sais qu'il y a plusieurs univers. Et les savants commencent à penser qu'il y a peut-être plusieurs créations. Des Big Bang, il y a peut-être eu plus qu'un. On en a des effets, on peut percevoir. Ils ont mis un télescope en orbite pour pouvoir voir plus loin, justement, dans le passé. Hein? Parce qu'on sait que plus on voit loin, à cause de la vitesse avec laquelle la lumière se déplace, ce que l'on voit quand on voit loin, on voit des images qui sont très loin. On voit le passé. Et c'est pourquoi les astronomes ont mis un télescope en orbite à coups de milliards de dollars, parce qu'ils recherchent à voir le plus loin possible. Si si possible, voir près de l'origine de la création. Et c'est pas blasphématoire de vouloir voir la création. Théologiquement, ça peut l'être. Pourquoi? Parce que vous risquez de tomber dans une vision qui va vous amener à comprendre ou à vouloir comprendre l'évolution cosmique, puis l'évolution humaine. Il y a une cause, il y a un effet, plusieurs effets, plusieurs causes. Il y a l'homme, on est là, c'est inconditionnel, c'est réglé. Nous avons la capacité de mémoriser. On peut mémoriser dans la matière, photographie, mémoire photonique, on peut mémoriser dans la matière, cassette audio, etc. Les murs ici enregistrent tout. Les personnes sensibles vont parler de vibrations. Vous rentrez dans une maison où il y a eu un accident ou un meurtre, il y a des personnes qui vont le savoir. Il y en a qui vont être clairvoyants, clairaudients, etc. Ça mémorise. On est dans un monde de mémoire. On continue à avancer un peu et subitement, on a une conscience qui mémorise de l'événement, qui mémorise de l'émotivité. C'est notre âme. Et là, on pense qu'on vient de développer un nouveau plan absolument détaché du plan planétaire. Et on va le valoriser. C'est bien. Et subitement, on arrive à un plan où on commence à légiférer, on commence à être logique. On commence à placer nos émotions et à découvrir qu'il y a des émotions qui nuisent. Alors que pendant longtemps, tout était émotif, c'était parfait, la colère, c'était pur. Ça maintenait en santé. Aristote, il disait que pour être en santé, il fallait piquer une bonne crise de temps en temps. Ça faisait pomper le cœur, puis bon, ça, c'était bon. Tu peux aller faire de la course aussi, c'est payable les autres. Mais, alors, on avait, toute la structure était basée sur l'émotivité, c'était ça. Alors, on avait des justes colères, des justes ceci, des justes cela. À un moment donné, dans l'évolution, on finit par découvrir qu'il y a des colères, il y a certaines parties de l'émotivité qui nuisent. Alors là, on va scinder ça en deux. Et on va parler des bonnes émotions, des mauvaises émotions. Aujourd'hui, on peut se rendre compte anatomiquement que toutes les formes d'émotions, quelles qu'elles soient, détruisent le corps physique. Toutes nos émotions nous nuisent et nous tuent, nous font vieillir. Alors, l'humain qui est uniquement basé, encore une fois, sur sa vision émotive, va dire, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, on doit avoir des émotions. Mais si on arrête d'avoir des émotions, on arrête de vivre. Ouais. Quand on est habitué de se nourrir de cette façon-là... Parce que l'humain ne sait pas ce qu'est l'alimentation. C'est un peu comme si pendant des milliers d'années, vous avez mangé des cornflakes, mais vous avez mangé la boîte avec. Et puis, à un moment donné, on vous dit, écoutez, ça c'est de manger la boîte. Voyons donc, si je mange plus la boîte, je mangerai plus les cornflakes. Ben oui. Le sentiment, c'est ce qui va engendrer l'émotion. Puis l'humain se nourrit de l'émotion qui est sous-tendue par le sentiment. À un moment donné, l'humain va vivre de sentiments, pas d'émotions. Et le sentiment, c'est pas mémoriel. Ah, je le connais, celui-là, j'aime pas la face. Si tu vis du sentiment, tu le connais pas, celui-là. À chaque fois qu'il va arriver, là, tu vas le vibrer là. Puis tu l'aimeras pas parce que là, tu l'aimes pas. Puis à un moment donné, tu l'aimes parce que là, tu l'aimes. C'est là l'avantage du sentiment, c'est que quand tu regardes pour la 20 millième fois un coucher de soleil ou un lever de soleil, tu l'apprécies comme pour la première fois. Pourquoi? C'est pas de la mémoire que tu regardes, c'est du sentiment. Quand tu regardes un papillon, il a la même valeur que quand tu avais 3 ans. C'est un sentiment, c'est parfait. Sinon, tu regardes un papillon, il y a un sentiment qui est vérifié au niveau de ton ego, au niveau de la mémoire. C'est connu, ça. On s'est nourri suffisamment. Bon, c'est un papillon. Eh oui, c'est un papillon. La première fois que tu ne vis un papillon, il fallait pas qu'on l'écrase. Maintenant, moi, on veut, c'est un papillon. C'est ça. Quand on vit du sentiment, on retrouve une valeur énergétique. Quand tu le trouves assez beau, tu l'épingles. C'est ça. Mais moi, je ne voulais pas les tuer quand j'étais jeune, c'est quand même écologique. Je les épinglais vivants. Je ne les tuais pas. Mais on apprend progressivement, on découvre que l'émotivité a un sérieux problème. Alors, il y aura des techniques qui arriveront, des techniques de contrôle de la pensée, des techniques de contrôle de l'émotion, de votre culpabilité. C'était bon, la culpabilité, la honte, ça permettait à l'humain de se forger. Aujourd'hui, on se rend compte que la culpabilité, là, vous tue, elle vous nuit, elle vous brûle. C'est pas ça qu'il faut faire. T'as compris que c'était pas correct, fais-le plus. Laisse faire la culpabilité. Il n'y a rien à faire avec ça. Continue, maintenant que l'intelligence commence à supplanter. C'était utile dans le passé, mais l'humain évolue. L'humain apprend une chance. Et à un moment donné, on finit par se poser des questions catastrophiques. Vous savez, là, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, puis où je vais. C'est plus ça, là. C'est plus ça. C'est, mettons que je trouve d'où je viens, que je sais ce que je fais, puis je trouve où je vais. Tout ça, ça sert à quoi? Des questions neuves commencent à apparaître. Et là, nécessairement, l'ego commence à se sentir tomber dans un précipice. Parce que toutes les formes illusoires qu'il s'était données pour avoir l'impression de stabilité au niveau de l'évolution commencent à être détruites. Moi, je dis souvent en séminaire que la création, elle est accidentelle. En partant, nécessairement, l'individu qui entend ça vibre déjà bizarrement. C'était pas voulu. Qui aurait voulu de tout ça? Des maladies, etc. Comme je dis souvent, c'est facile d'aller voir une personne qui est dans une religion, je n'aimerais pas laquelle secte, pour être épaté de voir un beau papillon, de voir un écureuil, de voir tout ça. Il faut un créateur génial pour faire tout ça. Regarde les poissons dans un aquarium, c'est-tu pas merveilleux? Et oui, c'est maudit que c'est mal fait. C'est vraiment mal fait. C'est vraiment mal fait. Les poissons sont obligés d'être carnivores, d'être prédateurs, de s'entretuer. L'écureuil, à un moment donné, se fait ramasser par un aigle que tu trouvais majestueux. Ben oui, viens tuer ton bel écureuil, il a besoin pour se nourrir. Nous, faut qu'on tue aussi pour s'alimenter. Végétaux ou animaux, on doit tuer. Sans arrêt. On est malade. Il y a des parasites qu'on appelle des virus qui ont un besoin vital de vous tuer pour être capable de vivre. On a des insectes géniaux qui viennent pondre dans un animal. Puis les œufs là-dedans, ça crée des larves. Ça se nourrit de l'animal, de son vivant, puis ça le tue, ça le dégringole. À un moment donné, j'ai rencontré un orignal dans la forêt. Il fallait qu'on fasse des gardes-chasse pour l'abattre. Il y avait des vers dans le cerveau qui se nourrissaient de son cerveau. Bon, et l'orignal était malade. Il était écrasé, il n'avait rien à faire avec lui. Et il attendait patiemment la fin de l'inutile. Et maudit que c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Alors on a le cancer, on a les leucémies infantiles ou d'adultes, on a le vieillissement, c'est bien fait. C'est génial. Bon. À un moment donné, on doit effectivement prendre conscience que peut-être on nous a placés devant un mensonge cosmique puis on nous a leurrés. Mais qui ont? C'est une bonne question. La réponse, c'est que, et c'est une réponse qui fait partie encore de la mécanique et de l'évolutionnaire cosmique, c'est qu'il n'y a personne qui nous a placés là-dedans. L'humain va dire « Ah, je savais, c'était nous autres! » Non, c'est pas nous autres non plus. Alors, c'est qui? Personne. On appelle ça une mécanique. C'est exactement comme si, mais c'est pas ça, mais c'est exactement comme si quelqu'un avait créé une hyperstructure puis il l'avait oublié en fin fond de son garde-robe. Alors il s'est passé plein de guerres là-dedans. Il s'est passé plein d'éclatements, plein de violences. Et à un moment donné, il y a eu un équilibre des forces. Il y a eu autant de naissances qu'il y a eu de morts dans les deux camps ennemis. On appelle ça l'harmonie. C'est l'harmonie, ça. Alors, on a l'harmonie naturelle, on a l'écologie, c'est génial. Les chevreuils meurent, les loups grandissent, quand il n'y a plus trop de loups, plus assez de chevreuils, les loups meurent de faim. Vu qu'il n'y a plus assez de loups, les chevreuils ont la paix, les chevreuils pullulent. Quand il y a beaucoup de chevreuils, les loups ont plein de nourriture, les loups recommencent à pulluler. Il y a beaucoup de loups, il manque de chevreuils. Puis c'est génial. C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé à un moment donné qu'il y a des soleils qui naissent, des soleils qui partent. Il y a des planètes qui naissent, des planètes qui partent. Il y a des humains qui naissent, il y a des humains qui partent. C'est vrai que c'est harmonieux. C'est l'harmonie. T'as le bien, le mal, la richesse, voilà. La pauvreté, la folie, voilà. L'intelligence, tout et est oui. Balancé. Tout est parfait. Chaque fois que les sphères d'évolution commencent à monter, le mal grimpe en même temps. C'est génial. Alors, à un moment donné, là-haut dessus, on parlait du Tao. Il a fait une petite boule, il a créé un S là-dedans, voulant dire « Sauvez-vous ». Et puis, il a dit, il y a le blanc et il y a le noir. Choisissez. Mais sachez une chose, dans le blanc, il y a toujours du noir. Dans le noir, il y a toujours du blanc. Et faites-le. C'est amusé, là, au-dessus. Il est mort aussi. Et donc, dans notre évolution, on doit poser d'autres questions. On peut parler, par exemple, on parle du Nazaréen. On peut poser la question, il est venu pourquoi? Ça n'a rien changé. Ça a tout changé, pas pour les armes. Siddhartha Gautama, il est venu faire quoi? Merlin l'Enchanteur, il fait quoi dans la vie, lui? Puis nous, il plaît comme ça. Et là, on peut regarder l'histoire, par exemple, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, où on est des peuples descendants d'une race teutonique anglo-saxonne, et on peut voir un paquet de personnages absolument génial. Puis finalement, on peut se poser des questions. L'évolution humaine, est-ce qu'une des lois d'évolution cosmique, qu'est-ce que c'est que l'évolution cosmique? Premièrement, c'est la capacité de comprendre, c'est la capacité d'avoir la possibilité un jour d'avoir dans sa conscience la réelle vision du mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vit une vie, puis qu'on meurt, puis qu'on perd tout, l'évolution reste là. Mais en termes de conscience, la conscience, elle se dégage du contexte planétaire. Quand elle revient, elle ne se rappelle pas être déjà venue. Bien, ça crée des problématiques où, pendant des années et des années, disons des vies, on va refaire les mêmes maudites erreurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut en connaître la mécanique, parce que sinon, on est mieux de ne pas le savoir. Exact. Si tu ne le sais pas, c'est tant mieux. Pourquoi? On peut s'accrocher à de l'illusion, et l'illusion, elle est bénéfique. C'est-à-dire qu'elle met du baume sur le cœur. Elle nous mène nulle part, mais elle nous permet d'être là. C'est intéressant. Sauf qu'à un moment donné, l'humain veut pas, va finir par vouloir aller voir ailleurs. Et c'est là que la problématique commence. Ce que je vais dire ce soir, ça dérange un peu, ça dérange pas trop. Bon, quand même un peu atténué. Mais à un moment donné, vous allez découvrir que ce que vous savez est vrai. Et là, vous allez être totalement en face de désillusion des dieux. C'est un point initiatique pénible à vivre. L'être humain doit donc penser à ceci. La création, elle n'a pas été voulue. Bon, qui je suis pour le dire, je le dis. Plaisant. La création est accidentelle. L'être humain, lui, est intentionnel. Et là, on va dire, qui d'abord a voulu que l'humain vienne? C'est l'humain. L'humain est venu. Je vais faire un parallèle, paraboliser. L'évolution cosmique, elle ressemble à ceci, mais faut comprendre une chose. C'est que nos cerveaux, enfin les cerveaux de la majorité des humains actuellement, ne sont pas structurés pour être capables de comprendre des mécaniques qui dépassent les quatre dimensions connues, le temps, hein, la mémoire, la hauteur, la largeur et l'épaisseur. L'être humain a des visions particulières qui sont limitées. Au Moyen Âge, on dessinait toujours en deux dimensions. On avait aussi des philosophies qui étaient bidimensionnelles. À un moment donné, on a découvert la perspective, la nuance, et on a commencé à avoir des philosophies drôlement plus complexes. À un moment donné, on a même eu des philosophies où on parle de l'illusion du temps, on parle de la relativité des choses, on parle des courbures. C'est bon. Sauf que pour comprendre le rôle cosmique de l'homme, à un moment donné, on pourra en reparler, il faut effectivement avoir des structures capables de l'englober, ou il faut être capable d'accepter, de ne pas tout comprendre, sans en souffrir. Le degré d'évolution d'un humain, c'est pas ce qu'il sait. C'est la capacité qu'il a de supporter son ignorance. C'est ça qui détermine l'évolution d'un humain pour l'instant. Alors, à un moment donné, tu arrives à un paquet de questions sans réponse, puis tu continues à être heureux. Mais tu es évolué en maudit. Alors que l'autre, il est rendu plein de questions, puis là, il y a la fièvre de l'évolution qui commence à l'hanter. Il ne peut plus dormir, il ne peut plus rien vivre, plus d'appétit, plus de goût. Tout est plat, rien de l'allure. Pourquoi avoir des enfants? Tu mets des enfants au monde, ça meurt. Lui n'a pas de réponse. Et comme je le dis souvent, c'est que présentement, l'humain évolue, il a la tête dans l'eau, l'eau est bleue, et les rayons du soleil traversent l'eau, alors l'humain, tout ce qu'il voit, c'est quand même coloré. Et puis à un moment donné, il y a un œil qui sort de l'eau, qui sort de la vapeur, alors il commence à voir clairement, puis il voit encore dans le bleu. Puis comme le cerveau associe les deux visions, tout ce que vous voyez n'existe pas, ni en dehors de l'eau, ni dans l'eau, ni dans l'ère ancienne, ni dans l'ère nouvelle. C'est la période de transition. Et là, l'humain, il se dit, écoute bien, là, moi, je comprends plus rien. C'est sûr, tu comprends plus rien. Prends le temps, laisse-toi le temps. Tout ce que tu peux te dire, c'est que maintenant, tu vois du neuf, il y en a d'autres neufs. Laisse-toi le temps. Sinon, il y a la fièvre de l'évolution. L'humain commence à comprendre, il commence à comprendre, mais à un moment donné, il voit plein de couleurs mélangées avec du bleu, puis là, il se dit, écoute, c'est plus ça. S'il rencontre un initié, il va dire, écoute, j'ai tout compris. Il y a de la couleur, mais le bleu domine. L'initié va dire, non, le bleu domine pas. Et la personne, écoute bien, je le vois. Alors il va se dire, c'est pas un initié, ça. Et là, quand il rencontre les autres, il va dire, hey, il y a du bleu, mais pas autant que vous pensez. Ils sont tous dans le bleu, les autres, ils se disent, flyer celui-là. Il a tort et il a raison. C'est les paradoxes de la conscientisation. Souvent, on aura les deux en même temps. Que chacun a raison dans son point de vue. Oui, au moment où tu le vois. Celui qui est entre les deux, il a raison. C'est ça, pour lui, il a raison. Ben, il a raison. Ouais. Sauf que c'est pas vrai, mais il a raison. L'humain doit donc attendre. À un moment donné, on arrive à un point où on posera des questions et ces questions qui sont posées font partie de l'évolution. Vous avez la capacité de les poser. C'est ça qui est important. Les réponses, on s'en fout. Les réponses font toujours partie du mensonge cosmique. La question, non. Mais la réponse, oui. L'humain, donc, qui vit son ascension, en arrivera à un moment donné à devoir aborder des lois d'évolution cosmique. On va en résumer brièvement. Bon. En conférence régulière, on peut toucher un peu, ça intéresse. À un moment donné, une personne, il y a des gens ici, imaginez-vous, moi, j'arrive à comprendre, évidemment, mais disons que je suis... Ça fait un an qu'ils viennent à mes conférences régulièrement. C'est pas ça qu'il faut qu'ils fassent. Il faut qu'ils viennent plus à mes conférences. Il faut qu'ils cessent de venir à mes conférences. Il faut qu'ils fassent le séminaire. Puis après ça, qu'ils viennent à des conférences une fois par mois, des conférences qui sont un peu plus à ce niveau-là. Parce que sinon, à un moment donné, on finit par créer une habitude et puis ça n'a plus de sens. L'individu ne peut pas, comme je, par exemple ici, on touche grosso modo des choses, puis à un moment donné, on n'a jamais le temps pour en parler suffisamment. On doit comprendre que, je vais passer rapidement sur cette mécanique-là, il y a quand même une période de questions, on pourra y revenir, mais on n'aura jamais le temps nécessairement d'aborder toute la phénoménologie d'évolution cosmique de l'homme. On le fait. Dans une rotation de 3, 4 ou 5 années, on a fait à peu près le tour. Bon, on peut faire plus vite. Les lois d'évolution cosmique, les premières sont... d'accepter le neuf, c'est évident. Mais on va juste expliquer qu'est-ce que vient foutre l'homme là-dedans, brièvement. On va revenir à une conférence prochainement sur le rôle cosmique de l'homme. Mais là, uniquement, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? L'être humain, premièrement, c'est la seule mécanique intentionnelle. Alors, on va faire un parallèle, une forme de parabole, qui est celle-ci. Pour qu'on comprenne, ça fait partie de l'illusion, mais pour qu'on ait une idée un peu de ce que ça donne. Alors, on va imaginer un monde au-dehors de la création, un monde où tout est parfait. Qu'est-ce que c'est la perfection? Parlons-en pas. On va la lire vite. Bon, disons que tout est parfait. Dans ce monde parfait, extra-créationnel, à un moment donné, et là, on pourra revenir là-dessus, mais ce serait complexe. À un moment donné, il y a un trou qui est apparu. Il y a une espèce de petit trou qui est apparu dans le monde, on va dire dans le plancher du monde, okay? Dans le sol, il y a un trou qui est apparu. Et ce trou, lentement, il a grossi. Et ce trou avait une problématique, c'est qu'il ramassait l'énergie de ce monde parfait. L'énergie s'engouffrait dans le trou. Et au fur et à mesure que l'énergie s'engouffrait dans le trou, nous, où nous vivions, bien, il commençait à faire froid. Et l'évolution d'une question de chaleur, plus on se refroidit, plus on perd notre conscience, on oublie. Alors, à un moment donné, on se rend compte que ce trou n'a pas de fond. Il attire et il gobe toute l'énergie de notre monde. Ce trou-là, c'est le temps et c'est l'espace, c'est la création. Alors, à un moment donné, on se dit, écoute, il faut qu'on arrête la chose, on est en train d'être engouffré dans de la mémoire. Alors, il y a des individus qui se réunissent et qui vont dire, et ce qu'on peut faire, c'est qu'il faudrait qu'on place des récepteurs d'énergie dans le trou. Qu'on envoie des mécaniques capables de descendre dans le trou sans être détruites, capables de ramasser toute l'énergie qui est amenée dans le trou, la ramasser elle, et connaître la mécanique du trou, pour par la suite commencer à réchauffer le trou, de façon à ce qu'on puisse revenir, reboucher le trou, puis finaliser la chose. Dans cet exemple, le trou, la création, on va décider d'envoyer des êtres humains, c'est-à-dire des êtres, nous. Alors, à un moment donné, on va se dire, eh bien, écoute, il faut que quelqu'un descende. Parce que si on descend, nous, on aura la faculté progressivement de réévoluer, c'est de ramasser l'énergie. Et ramassant l'énergie, on va réchauffer la matière, on va réchauffer le temps et l'espace. On peut parvenir à réchauffer toute la structure et à replacer la courbure de la création dans une vision linéaire, bref, détruire la création. Et c'est le but fondamental de l'être humain, résorber la création. Théologiquement, on va dire, l'homme doit retourner vers Dieu. L'homme doit retourner vers le centre-source, dans d'autres visions. Ben, c'est ça. En langage de Daniel Kem, le rôle fondamental de l'homme, c'est d'anéantir l'univers. Détruire. Pas détruire par les armes. On détruit pas, là. On fait de l'alchimie. On mute. Tu prends une maison, t'as fait sauter. Maintenant, t'as des débris. On n'a pas détruit l'univers. Ben, on n'a rien fait. On a détruit simplement l'essence même de l'humain. On doit réchauffer, donc on doit évoluer la chose jusqu'à un point tel où vous n'aurez plus besoin d'automobile. Mais non, les murs vous empêcheront plus de traverser. Tout va être changé. Vous pourrez marcher sur l'eau. Vous pourrez aussi marcher sur l'air. Hein? C'est la même chose. Bon, il y aura des choses qui se feront. Le Nazaréen lui-même le dit, un jour vous ferez plus que moi. Tout le monde trouve ça génial qu'il ait dit ça. Personne n'y croit, mais tout le monde le répète. Alors, il arrive ceci. Il arrive à un moment donné que des êtres humains qui vont descendre dans le trou, ils vont descendre lentement dans le trou, et au fur et à mesure qu'ils descendent, ils se refroidissent, eux aussi. Et au fur et à mesure qu'ils descendent, on appelle ça une effusion. Ils perdent leur énergie, perdant leur énergie, ils perdent leur savoir, perdant leur savoir, ils perdent carrément leur conscience. Et rendus à un point de refroidissement, bien là, ils sont tellement gelés, ils vont commencer à graver sur les murs des choses. L'information mémorielle, c'est ce qui va créer les archétypes. Puis là, ils vont arriver dans un contexte totalement gelé. Alors là, les archétypes vont pouvoir leur servir de repère, de guide. Ils vont parler de religion, de père créateur. Il y a des choses qui vont se passer. Ils vont créer en même temps des annales akashiques, c'est-à-dire la mémoire de l'expérience de leur vie. Alors, ils vont créer des cultes, des ancêtres, des choses comme ça. Ils vont tout essayer de revenir dans l'ancêtre pour essayer de retrouver la création. Bref, refaire le chemin en sens inverse. Alors que le rôle fondamental, le rôle cosmique de l'humain, un des rôles fondamentaux, ce n'est pas de revenir, c'est de retourner. Donc, on n'a pas à repasser par la tradition, par exemple, vouloir refaire ce que les ancêtres ont fait, toutes ces choses-là. Ils sont descendus. Nous, c'est nous. Nous, on doit finir la boucle et remonter en amenant tout. Alors, on doit comprendre ceci. C'est que progressivement, l'énergie descend, hein, ça rentre, le trou en attire. Et là, nous, là-dedans, on gèle comme des bombes. Et progressivement, on commence à ramasser de l'énergie. Cette énergie-là commence à nous réveiller, elle nous réchauffe. Nous réchauffant, elle nous monte un petit peu. En nous montant un petit peu, on voit ce qu'on a écrit un peu plus haut. Alors, on commence à découvrir des nouvelles lois divines. On commence à évoluer spirituellement. Et là, l'énergie continue à descendre. Puis là, elle nous monte. Et là, on voit de plus en plus les choses qu'on a écrites. Mais là, on arrive à un point, certains humains arrivent à un point, où on va arriver à un niveau où il n'y a plus rien d'écrit. C'est que c'est une autre forme d'énergie, c'est plus de l'écriture. C'est exact. C'est un savoir instantané qui est l'énergie supramentale, mais l'énergie supramentale, c'est de la mémoire galactique. Donc, on est encore dans une structure mémorielle, mais qui, comparativement à la mémoire structurée de l'homme, la mémoire planétaire, c'est une envergure qui est, pour l'humain, c'est comme de l'omniscience. Mais ça ne sait pas tout encore, mais c'est très, très exponentiel par la suite. Vu qu'on se réchauffe progressivement, on en arrive à un point où on devra sortir de là. Le rôle, bon, les lois d'évolution cosmique, c'est d'accepter dans sa conscience différentes choses. C'est ceci. On est un poste de radio. Fondamentalement, les lois d'évolution cosmique se résument à cela. Vous êtes tous des récepteurs radio. La seule chose qu'il y a, c'est que vous avez toujours pensé que vous aviez seulement un cristal. Vous étiez capable de recevoir une fréquence. C'est ce que l'humain pense. Cette fréquence-là, c'est une fréquence locale. Alors, on s'imagine qu'on est sur une île déserte, on s'imagine qu'il y a uniquement ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit poste de radio qui émet, là, avec des fibres de bambou, et puis nous, on reçoit localement, puis on... Bon, voilà, c'est parfait. Ça, c'est la tradition. C'est la mémoire. L'humain doit savoir fouiller, prendre conscience chez lui qu'il a d'autres cristaux. Puis quand je parle de cristal, je ne vais pas faire référence aux spiritualistes qui pensent qu'on est juste des cristaux. On est de l'énergie. Mais faire référence aux structures de radio. Alors, à un moment donné, on peut découvrir qu'on est capable de recevoir sur d'autres fréquences. Puis pour ça, il faut être capable de s'imaginer qu'il n'y a pas juste une île. Voilà. Il faut être capable de s'imaginer qu'il y a d'autres choses. Ouais. C'est ça. Les lois d'évolution cosmique, c'est quoi? C'est d'agrandir le mensonge cosmique. Ça, c'est la loi. C'est la loi fondamentale. L'humain va dire, oui, mais si j'agrandis le mensonge cosmique, il n'y a rien qui me dit que j'ai raison. Non. Mais si vous ne l'agrandissez pas, il n'y a rien qui dit non plus que vous avez raison. Ceux qui croient en Dieu ne le savent pas. Ceux qui croient en la réincarnation ne le savent pas. Ceux qui croient, il n'y a personne. Ceux qui croient ne savent pas. Alors, l'humain, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit effectivement découvrir que d'autres cristaux, il est capable de recevoir sous d'autres fréquences. Mais pour pouvoir faire cela, il doit nécessairement envisager la possibilité. C'est un peu comme si on se disait, écoute, d'un coup, qu'il y aurait d'autres îles. « Ah, il n'y a pas d'autres îles, voyons donc. » S'il y aurait d'autres îles, les gens seraient venus nous voir. Mais on est une île, nous autres. On n'a jamais été voir. Peut-être que les autres aussi sont des îles et ne sont jamais venus voir. Question aussi de hasard. On dirait de l'hasard quand on connaît les structures de l'évolution. Mais c'est aussi peut-être une question simplement de distance, de possibilité. Alors, à un moment donné, la personne, elle peut se dire, « Écoute, je vais monter l'antenne très, très haut. Et puis, je vais changer le canal. » C'est dangereux de changer de canal. T'entends des chants grégoriens. Tu peux te perdre en tournant. Ben oui. T'entends des chants grégoriens. Là, tu changes de canal. Pouf! Hare Krishna, Hare Krishna. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Là, tu qu'est-ce que c'est que ça? Là, tu te mets à écouter, ça a du bon sens. Mais là, le voisin, il n'écoute pas ça, lui. Il écoute encore ses chants grégoriens. Et là, on a peur. Là, on se dit, vous êtes sur le mauvais chemin. Oui, vous êtes sur un autre chemin. C'est ça, un mauvais chemin. Un autre chemin. Un chemin qui peut faire en sorte qu'un jour, vous allez comprendre que tous les chemins sont inclus dans une trame. Un chemin qui va faire en sorte qu'à un moment donné, vous ne voudrez plus suivre le chemin. Vous allez vouloir suivre votre chemin. Et ça, c'est dangereux. On sait très bien que les religions sont égrégorisées. Il y a des égos dans les égrégores religieux qu'on appelle des dieux, et eux se nourrissent de l'énergie spirituelle de l'homme. Donc, chaque fois qu'un fidèle décolle, on perd quelque chose. Alors, toutes les structures vont être faites pour que tu partes pas. C'est les sondages de poste de radio. Ça. Quand tu changes de poste, il n'y a pas ça. Ça ressemble bien gros à ça, la BBM. Ouais, c'est ça. Ouais. Prie pour moi, prie pas pour les autres. Tu adoreras un seul Dieu. Bon. Et puis, allez convertir, porter de la bonne nouvelle, quelle que soit la religion. Allez chercher du bon pour venir m'alimenter. C'est typique des mécaniques évolutionnaires astrales humaines. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à un moment donné, la personne, elle va entendre bon, d'autres religions. C'est d'autres fréquences. Et subitement, clic, clic, clic, clic, appogne, ça parle, là, puis dans la voix, tu sens qu'il y a une grosse moustache. Bon, tu sens ça. Là, ça parle. C'est un langage d'oiseau, c'est. Moi, ils sont extraterrestres. C'est un langage d'oiseau. Là, ça parle d'extraterrestres. Des cannibales, ça. C'est ça. Ils viennent de manger le père, puis ils disent qu'ils sont extra, les restes. Ah, c'est... T'aimes ton grand-père? Ah oui, je l'aime, mon grand-père. T'as buté notre tranche? Mais, je sais pas quoi faire avec grand-moment. Veux-tu mon livre de recettes? Question cannibale. Mais... l'être humain, progressivement, découvre qu'il y a peut-être de l'ésotérisme. Et là, subitement, on tombe sur un bonhomme qui se dit évêque, peut-être, bon seigneur. Oui, je n'ai pas le chance, c'est son seigneur. Et puis, lui, ben, il parle d'exorcisme, il parle de pouvoir particulier de l'homme, de la femme. Puis en même temps, ben, c'est relié à une forme de chrétienté. Il y en a plusieurs comme ça. C'est d'autres fréquences, ça. Eux aussi ont été branchés sur d'autres fréquences, mais eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, écoute, là, j'écoute le FM, mais je n'ai pas manqué l'AM. Ce qui fait qu'ils ont mélangé des choses, c'est intéressant. Et là, ils vont permettre à des individus de vivre des phases de transition. C'est très bon, c'est génial. puis il faut que ça se passe comme ça. Et là, on tourne, puis on tombe sur la réalité. Hein? Bon. Alors là, on lit un livre qui est le livre qui dit la vérité, tu sais. Ça, c'est, bon, c'est Claude Vorillon, c'est Raël qui écrit ces choses-là. Et puis là, on vient nous dire qu'il y a des Elohim qui sont passés, qui nous ont créés, qui ont fait des laboratoires, qui sont amusés comme des débiles. C'est des dieux. Et puis, à un moment donné, ben, ils ont créé l'humain. Puis là, ils reviennent ramasser les piquets de la génétique pour... Les Elohim sont une mécanique extraterrestre, une mécanique qui ne se croit pas, c'est-à-dire qui ne peut pas se reproduire. Les Elohim sont une mécanique qui est archangélique et qui a comme unique fonction de préserver les génétiques essentielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, venant de quelque part à travers la création, à travers notre univers, il y a des Elohim qui sont arrivés ici avec des codes génétiques de structures évolutionnaires sur une planète qui est présentement morte. Et ils ont associé ces structures génétiques-là à ce qui vivait ici. Ils se sont essayés avec différents animaux évolutifs, et finalement, ils ont engendré la race humaine. Mais pas la conscience humaine, le corps. Et aujourd'hui, parce que l'humain est suffisamment avancé qu'il approche d'une possibilité d'autodestruction, on vient chercher de la génétique pour la conserver et la replanter sur d'autres planètes. Mais les humains qui ont prêté leur génétique ne s'en vont pas sur l'autre planète. Eux, ils restent dans la mémoire planétaire. C'est parce que là, on dissocie pas humain et conscience. Voilà. Alors, c'est toujours la même chose. Donc, les Elohim, ça existe, ça fonctionne. Mais là, on a un autre poste, et puis là, la personne, elle va prendre la Bible, elle va expliquer des choses, puis ça baisse l'allure. On continue maintenant. Et à un moment donné, on va rencontrer encore plus fou. On va rencontrer des personnages qui vont vous parler d'intelligence supramentale. Pas juste moi, il y en a d'autres. Okay, du bonbon. Et... À un moment donné, ben là, on parle de neuf, on parle de tradition, de mémoire, que l'homme est ceci, que l'homme est... Et puis là, tu te dis, écoute, peut-être que j'étais tourné trop loin, là. Ça va venir, là. C'est le seul poste qui n'a pas de proclamation en avant, ils savent pas de quoi ils vont parler. Ah, exactement, c'est ça. Ce poste-là, c'est ça. Il n'y a pas d'horaire. Mais ce poste-là, c'est pas celui d'un conférencier. Non, je parle de votre contact à vous. Pour arriver à comprendre un conférencier, il faut déjà avoir un contact. Il y en a qui sont des grandes gueules, il y en a qui sont des grandes oreilles. C'est bon. Alors, on profite simplement des outils, c'est parfait. Sauf qu'à un moment donné, il y a des personnes qui finissent par écouter tel poste, ça commence à être royalement plate. En réalité, c'est correct, ce poste-là. Mais effectivement, on a besoin d'avoir maintenant du changement. C'est quelques autres choses. On change. Une des lois de l'évolution cosmique, c'est la polyvalence au niveau de la conscience. C'est être capable d'avoir plusieurs points de vue en même temps, être capable de reconnaître les points de vue. Voulez-vous, à un moment donné, pénétrer dans une ère d'évolution où l'être humain va avoir une conscience plus galactique que planétaire, c'est déjà intéressant qu'on ait planétaire, la journée où vous allez être capable de supporter les points de vue des autres, vous allez déjà faire partie d'une évolution neuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez me parler, tu sais, il y a des témoins de Jéhovah qui passent. Mais Jéhovah a existé. Jéhovah, c'est une mécanique qui, dans l'Antiquité, a implanté la loi. Yahvé, lui, a amené la mécanique de l'amour. Puis les Elohim, eux, c'est la mécanique génétique. Jéhovah, lui, c'est la loi, c'est le drame, c'est le courroux. Yahvé va venir, lui, amener. C'est toutes des structures qui vont faire en sorte qu'ils vont engendrer des mémoires différentes et l'humain va adorer des religions, va donc vivre des choses différentes. Même chose pour Bouddha ou pour Allah, même chose. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va me dire, bon, on fait d'évolution supramentale, puis on a un témoin de Jéhovah qui vient de passer, tu sais, puis il vient là. Hey, laisse-les rentrer, on doit le planter comme il faut. Le témoin de Jéhovah est peut-être plus intéressant que celui qui vient de dire ça. Parce que l'évolution réelle ne fait pas partie du snobisme de l'évolution, ça n'a rien à voir. Vous êtes chanceux de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Vous n'avez pas décidé. Vous êtes malchanceux de comprendre ce que d'autres comprennent et ne comprenaient pas. Ce n'est pas une question de choix. Alors là, le témoin de Jéhovah vient, bon, il parle un peu, puis on lui explique, écoute, nous, non, on n'a pas, tu vas perdre ton temps de jaser avec nous. Mais c'est vrai. Et puis, il continue, tu lui dis, écoute, moi, je réincarne le diable, tu comprends? Bon, là, il va se pousser, il va se régler. Bon. Et puis, il va prier pour toi, ce qui est intéressant, il vous donne de l'énergie, bon, profitez-en. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que quelqu'un va dire, oh, mais c'est-tu débile, c'est-tu niaiseux d'être pogné comme ça, tu sais, puis tu lui as dit simplement telle chose, ah non, non, page 827, alinéa 2, paragraphe, bon, c'est la loi, je vois, bon. Non, c'est pas ça, c'est essentiel que ces personnages-là existent, on en a besoin. Ils servent à quoi? Ils servent à plein de choses. Ils servent, premièrement, à soutenir les mémoires d'une illusion planétaire de la création. Et c'est absolument essentiel parce qu'il y a encore énormément d'êtres humains qui n'ont pas encore suffisamment de solidité au niveau de la conscience pour être capables de se voir enlever ça. Il y en a qui ne colleront pas aux témoins de Jéhovah, ils vont coller à Moroni, ils vont coller aux Mormons. Il y en a d'autres qui vont coller au Krishna, d'autres vont coller aux musulmans. C'est absolument génial. Il y en a qui vont coller à moi, c'est-à-dire qu'ils vont spirituellement me suivre alors qu'ils ne me suivent pas en étant leur seul maître. C'est pas par la conscience qu'ils me suivent, c'est simplement parce qu'ils se disent « Ah ben c'est beau, c'est bien, c'est bon. » Et c'est correct. Quand on... Une des lois d'évolution cosmique, c'est la pluralité des points de vue, c'est ce que ça veut dire. Quand on est réellement embarqué là-dedans, vous allez essayer de trouver quelque chose qui nuit, vous ne pouvez plus en trouver. C'est brillant, maudit. Et en même temps, on va dire, oui, mais c'est débile parce qu'on pourrait peut-être faire mieux. Quand on va comprendre les lois d'évolution, vous allez voir, quand on comprend d'où on est parti, on peut difficilement faire mieux. Déjà là, ça nous arrange. On a une pluralité, ce qui va faire en sorte que vous allez cesser de faire certaines choses. Cesser de trouver con ou de rejeter ce qui ne fait plus partie de votre longueur d'onde, tout en comprenant l'utilité et l'essentialité de préserver ces choses-là. Vous ne les entretenez pas, mais vous ne les agressez plus. C'est parfait. Mais autre chose qu'on doit faire, on doit aussi, et ça c'est absolument vital, l'une des lois d'évolution cosmique, c'est que l'humain doit adopter cette attitude-là, doit pénétrer là-dedans, c'est de faire comme si ce que vous savez, vous le saviez. Ça veut dire mettre en application le peu de ce qu'on sait. Quand je dis le peu, je fais référence à ce qui reste à apprendre. Mettre en application, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Il y a des personnes ici qui savent très bien qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Il y a des personnes ici qui savent très bien qu'ils sont manipulés. Hein? On n'achète pas des billets de loterie pour perdre. T'sais. On achète des gollies pour ne gagne pas. Bon, on n'a pas le nez qu'on veut, on n'a pas les maladies qu'on veut, on n'a pas. Bon, bref, bon. Il y en a qui le savent. Et là, à un moment donné, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis dans leur salon, là, puis ils se disent: ouais, mais l'autre là-bas, là, c'est un maudit cave, ça. Il devrait faire attention. Écoute, il n'y a pas de libre arbitre. L'autre là-bas, c'est pas un cave. OK? Alors, tais-toi. Oh, là, tu parles pour rien dire. On appelle ça de la sidatisation. Mais c'est quoi le sida? C'est un sinistre individu dominé par l'astral. Oui. Si on est conscient qu'on n'a pas de libre arbitre, il faut au moins reconnaître les autres non plus. Exactement. Sinon, tout ce qu'on apprend au niveau de l'évolution, de la conscientisation, ça ne sert à rien. Et là, on devient MTS, Martyr de la transition supramentale. C'est-à-dire que l'humain doit faire attention. C'est-à-dire que si je disais des conneries, c'est pas de ma faute. Vous savez, mettre en application, savez-vous à quelle vitesse vous allez pouvoir subitement muter? Quand je parle muter, on prend les termes qu'on veut, mais changer de camp. En appliquant. Pas appliquer grand-chose. Pas appliquer. Il y a plusieurs choses qu'il faudrait qu'on applique pour améliorer notre corps physique, notre corps vital, nourrir le corps astral, pas nourrir l'ego, développer le corps mental pour en faire un vrai logiférateur qui va nous permettre d'avoir un bon contact avec un ajusteur de pensée. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais ça, c'est des mécaniques intéressantes. En primordialité, ce qu'on peut faire, c'est simplement celle-ci. Appliquer certaines petites choses. Dans ces petites choses-là, c'est reconnaître qu'on est mal foutu. Tu sais, c'est comme l'alcoolique. L'alcoolique, s'il ne reconnaît pas qu'il y a une maladie, reconnaissez que vous êtes malade, OK? Mais pas comme la génétique le veut, là. Ou comme les médecins aimeraient. Bon, mais non. Ce qu'on doit reconnaître, simplement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? C'est quoi notre maladie? Votre maladie, c'est qu'on est possédé par un virus. Votre maladie, c'est qu'on est possédé par de la mémoire. Cette mémoire-là porte un nom, âme, et une focalisation égo. On est possédé. Ça ne veut pas dire qu'on va voir les exorcistes. Ils sont possédés, eux aussi. Mais en plus, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont vous exorciser. Ils vont sortir votre cochonnerie, puis ils vont mettre Dieu à la place. Vous êtes possédé pareil avec une autre affaire. Ça, c'est pas... Bon. Ouais, c'est peut-être mieux. Oui, ça dépend par qui tu es possédé. Mais en ce qui concerne la majorité de ceux qui sont ici, vous êtes mieux possédé par ce que vous êtes présentement. Sauf qu'on peut améliorer les choses. Ce que je veux qu'on comprenne. Ça vous arrive encore, j'en suis totalement convaincu, de chioler. Savez-vous combien d'énergie, de temps vous perdez en chiolant? Mais une des lois de l'évolution cosmique, c'est celle-ci, ne pas chioler. Ah ouais, mais... Un instant. Une des lois d'évolution cosmique ne veut pas dire que jamais plus par votre bouche, le chiolage devra sortir. Mais non! Ça veut dire que vous ne devez plus chioler. Mais c'est quoi différent? Quand on chiole par ta bouche, t'en rends compte, chiole pas par-dessus que tu t'es fait avoir. Vous savez? Ah, là, je me fais charrier, là. Hein, je me fais au charrier, là. Écoute, réveille. Ah, je sais bien, là, regarde, là, tu es là, je le sais, là, me faire au charrier, là. Écoute, réveille. Elle dit, il faut faire, je le fabrique un petit appareil. C'est un petit appareil qu'on fixe après un mur, là, puis un soulier après, puis ça botte le cul tout seul. C'est l'allume, tu sais, paf. L'évolution cosmique, les lois principales sont banales. Faites comme si ce que vous saviez avait de la valeur. Pas comme ce que vous avez appris. Pas, c'est pas ce que vous connaissez que je veux, ce que vous savez. Je le dis souvent à un moment donné, combien d'heures vous passez à manger? Alors, j'ai déjà expliqué qu'on est des extraterrestres, on arrive sur la planète Terre, puis là, je vous dis, écoutez, ici, là, vous allez devoir faire semblant d'être humain, ce qui fait que vous allez devoir appliquer des techniques. La première technique, vous allez pouvoir devoir passer quelques heures à faire la cuisine pour bouffer. Deuxième technique, vous allez passer 8 à 9 heures à dormir. Hey, hein, imaginez si je vous demande de passer une heure par jour à faire une technique évolutive, c'est trop. Vous en passez combien d'heures par jour à faire d'autres techniques? C'est la même chose. Tant qu'à vous laver, lavez-vous comme il faut, frottez-vous donc les points d'acupuncture. Tant qu'à y être. Tant qu'à manger, mangez comme il faut. Tant qu'à dormir, travaillez comme il faut ailleurs. C'est des techniques, ça prend pas plus de temps. Tant qu'à respirer, respirez comme il faut. Tant qu'à marcher, qu'à une visée, marcher comme du monde. Donc, pas comme du monde, excusez. Marchez mieux. Bon. Appliquer. Appliquer, ça veut dire quoi? C'est toujours très banal. Parce que les lois, tu sais, vous savez, plus on est proche des lois humaines, plus c'est complexe. Plus on va s'éloigner, plus c'est banal. Est-ce que justement parce que c'est trop banal qu'on n'applique pas? Ça paraît banal, ça l'est pas en réalité. Ah oui, ça l'est donc parce pas. Parce que ça paraît facile, ça paraît simple. Vous êtes deux êtres humains, vous vous engueulez, vous êtes un couple, vous vous engueulez. Écoutez bien, des êtres humains, ça s'engueule pas. Pas bien d'autres choses à faire. Oh mais là, c'est trop maudit égo! Un égo n'est jamais maudit, c'est comme ça un égo. C'est comme de dire, c'est la maudite pluie. Non, la pluie, ça tombe puis ça mouille. C'est pas la maudite pluie, c'est comme ça. C'est la maudite neige qui mange. Non, la neige, c'est comme ça. Ça n'a rien de type, pas de péjoratif. Les heures passent vite, hein, sans terre. OK. On fait une petite pause, je vais finir avec une petite chose. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis Charles va les lire. À tout à l'heure. Thank you.